je trouve donc qu'il y a de la gentille propre et il y a tout du gars là. L'opineur du chef est diffusé tous les jeudis soirs entre 20h et 22h sur CKRL. Bienvenue à Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, ben, on fera pas changement. On va toujours, comme à l'habitude, vous présenter de la musique en téléchargement gratuit. Vous avez donc à consulter la page de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Vous allez y retrouver la playlist de l'émission. Vous avez également la balado-diffusion. Donc, les émissions antérieures sont disponibles. Vous retrouvez ça, donc, tout ça sur la page de l'émission. Puis, ben nous, on va débuter avec un artiste français du nom de 247, un artiste qui fait une pièce par jour et publie ça sur son compte Bandcamp. Donc, je vais vous faire passer la pièce numéro 219, c'est Light Conception. Puis, tout de suite après, c'est I Am Loco. C'est une pièce, un remix de Ben Howard. La pièce s'intitule Move Like You Want. Donc, deux pièces que j'ai trouvées sur SoundCloud pour l'émission d'aujourd'hui. Ben, ça va être tous des trucs trouvés sur SoundCloud, un merveilleux site pour héberger votre musique si vous êtes des artistes. Et ben, si vous êtes juste auditeur, ben, c'est une excellente ressource pour avoir de la bonne musique. Souvent, il y a les trucs qui sont en téléchargement gratuit. Donc, ben, c'est ça. On débute Web Musique tout de suite avec 247, la pièce Light Conception. Attendez, on peut le faire en espagnol pour changer, s'il vous plaît? Thank you. Jupiter, on va sur la Lune. Juste un compte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est prêt? De mélange musique presque folk avec techno minimal. C'était donc de l'Allemagne I Am Loco avec sa pièce Move Like You Want. C'était donc une reprise de Ben Howard, un remix plutôt. Puis, ben, c'est ça, on avait débuté Web Music avec l'artiste parisien 247 avec sa pièce Light Conception. Donc, 247, c'est le pseudonyme de Fabien Palis. Donc, il fait un enregistrement, une pièce à chaque jour. Vous pouvez aller consulter son SoundCloud pour suivre ses aventures. Donc, ça fait quand même beaucoup de pièces dans une année. Donc, on va poursuivre, nous, avec un artiste de la ville de Hambourg, en Allemagne. C'est Pete Pellerito. Je vous fais entendre la pièce... Secure Tonight. Qu'est-ce que c'est? Attendez un peu, je pense que je l'ai mal noté. C'est plutôt donc See You Tonight. Bon, j'écris tellement bien. Ensuite de ça, après Pete Pellerito, ça va être Keita, un artiste russe. Vous allez voir la pièce vraiment intéressante qui s'intitule Autumn Melancholy. Vous allez voir, vraiment excellente. Donc, ben, c'est ça, on écoute tout de suite Pete Pellerito. спасибо, со мной будет все в порядке. Мне еще кое-что нужно здесь закончить.

for the underground. Tune the bass. For the underground. For the underground. New Hampshire, c'était donc Drop a Goblin avec sa pièce Strictly for the Underground. Avant ça, de San Francisco, c'était Helicopter Showdown avec la pièce Church Out. Donc, ben c'est ça, deux pièces assez agressives dubstep, ça fait du bien de temps en temps. On va poursuivre Web Music avec un artiste de Birmingham en Angleterre. Il s'agit de Tom Flynn, je vous fais entendre la pièce Mr. Hedgehog. Ensuite de ça, toujours de l'Angleterre, c'est Triptych, je vous fais entendre la pièce Quartz. Vous allez voir deux pièces excellentes à Web Music. Si donc vous avez manqué le début de l'émission, vous voulez consulter la playlist, ben rendez-vous au www. www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir donc télécharger les pièces que vous avez manquées depuis le début de l'émission. On écoute tout de suite Tom Flynn. We'll be right back. de l'Angleterre, c'était Triptych avec sa pièce Quartz. Donc, avant ça, c'était Tom Flynn de la ville de Birmingham, toujours en Angleterre. Tom Flynn avec sa pièce Mr. Hedgehog. Ça va malheureusement déjà être tout pour Web Musique. Je vous invite à rester à l'écoute de CKRL. C'est la croche-oreille avec Jean-Pierre Gay et son équipe qui suit tout de suite après. On va se laisser sur une dernière pièce de Falcons, un artiste de Los Angeles aux États-Unis. C'est la pièce Stilettos. Puis, si vous aimez donc ce que vous avez entendu à l'émission, rendez-vous sur la page de l'émission. Vous pouvez y accéder par le site de CKRL ou taper Web Musique dans les Google. Donc, c'est ça. Passez une belle soirée à l'antenne de CKRL. Ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Pantoute fête 40 ans de lecture passionnante. Découvrez notre album anniversaire qui présente 335 livres qui nous ont marqués dans tous les genres littéraires. Cette publication gratuite est disponible dans nos deux librairies. Profitez de votre visite pour participer à nos tirages hebdomadaires et pour obtenir votre cadeau, un premier achat de $40 sera inscrit sur votre nouvelle carte de fidélité électronique. Une façon de vous remercier d'être avec nous depuis 40 ans. Thank you.